Section 72 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 14, quatrième partie, la Russie et les Mongols, par Ernest Denis. Comme pour les Slaves occidentaux, le XIIe et le XIIIe siècle sont, pour la Russie, une époque de décadence et d'épreuve. Les divisions intérieures se traduisent par l'affaiblissement politique. Les provinces occidentales et méridionales perdent leur hégémonie, subissent l'influence étrangère et tendent à s'éloigner de la Russie nouvelle qui se constitue dans le bassin supérieur du Volga. Surprise en voie de transformation par l'invasion mongole, la Russie souzdalienne devient la proie des hordes barbares dont elle subit la domination pendant plusieurs siècles. La conquête tatare achève la séparation, depuis longtemps commencée, des Russes en deux nationalités, les grands et les petits Russes, les Moscovites et les Russes du Midi, en même temps qu'elle sépare définitivement de l'Europe les princes de Souzdalie. Rejetée vers l'Est, la Russie devient une puissance à demi-asiatique et orientale. L'influence de Byzance, désormais sans contrepoids, la pénètre profondément, et la Moscovie orthodoxe ne voit plus que des adversaires dans les Slaves de la Pologne, catholiques et transformés par l'action des peuples latins et germains. En dépit des slavophiles, qui se félicite que l'histoire ait ainsi protégé les moscovites contre la civilisation corruptrice de l'Occident, cette rupture de la Russie et de l'Europe fut un grand malheur pour les Slaves orientaux, et les funestes conséquences en sont encore sensibles aujourd'hui. Il est juste cependant de reconnaître que les malheurs du XIIIe siècle n'ont pas eu pour la Russie des effets aussi pernicieux que pour la Pologne. Pour elle, la période de revers est aussi une période de préparation féconde. D'abord, les provinces occidentales restent russes en dépit des diverses dominations qu'ils subissent. Protégées par la religion, elles ne se résignent jamais à la conquête, et lorsqu'elles se trouveront de nouveau réunies à la Russie de l'Est, l'assimilation se fera sans difficulté sérieuse. De plus, tandis que les Polonais, en cherchant à l'Est des dédommagements, se heurtent à d'insurmontables résistances, et grèvent leur avenir de redoutables complications. Les Russes ont d'immenses territoires ouverts à leur activité. Refoulant devant eux les Finnois, ou se mêlant à eux, ils s'avancent dans le bassin du Volga et commencent ce travail séculaire de colonisation qui fonde leur puissance et dans lequel ils acquièrent leurs qualités distinctives de solidité, de vigueur et de persévérance. Enfin, sur ces terres nouvelles, le pouvoir du prince s'affermit et les conditions physiques et historiques du développement national, corroborées par les traditions byzantines et la conquête asiatique, déterminent ainsi la constitution d'une royauté administrative et absolue, singulièrement plus propre aux vastes pensées et aux longs desseins que la monarchie élective et féodale de la Pologne. La Russie morcelée, Vladimir Monomaque. Depuis la mort de Yaroslav jusqu'à l'invasion mongole, il n'y a pas à proprement parler d'histoire russe. La confusion est extrême, le nombre et les limites des principautés varient sans cesse. Un historien a compté pour une période d'un siècle et demi 64 principautés, 293 princes et 83 guerres civiles. L'anarchie princière de l'Est, dit M. Rambaud, fait le digne pendant de l'anarchie féodale de l'Ouest. Même à cette époque cependant, et bien que cela paraisse un paradoxe, la Russie, morcelée en apanage, annonce un grand empire unitaire. L'anarchie a beau durer, elle y paraît toujours accidentelle. Aucune des principautés n'a de frontières, d'histoire, de tradition. La langue, la religion, l'uniformité de la civilisation, la nature du sol, les relations commerciales, les souvenirs, la communauté d'origine des princes, l'hégémonie au moins nominale des grands princes de Kiev, donnent au morcellement quelque chose de momentané et de fortuit. De temps en temps, quelques chefs font reconnaître leur pouvoir par les autres princes et interrompent la prescription de l'unité. Vladimir Monomaque, 1113-1125, par exemple, le vaillant soldat, l'intrépide chasseur que les habitants de Kiev appelèrent au trône, moins encore peut-être parce qu'il savait les protéger contre les Polotski que parce qu'il étendait sa main secourable sur les opprimés et les esclaves. Vladimir est le dernier grand prince dont la domination se soit réellement étendue sur toute la Russie primitive, ou plus exactement, il est le dernier représentant d'une conception politique et d'un état social et moral en train de disparaître. Il en est aussi la plus remarquable personnification. L'idée chrétienne, sans altérer aucune des qualités énergiques de la race, en avait adouci la rudesse et élevé l'idéal. Le testament de Vladimir Monomaque est admirable de résignation à la fois et de candeur, de piété et de dévouement au devoir. Dans toute la littérature germanique du Moyen-Âge, déclare un écrivain allemand, on ne trouverait rien qui méritât d'être placé à côté de ce mélancolique et noble adieu à la vie du Marc Aurel slave. Chute de Kiev. Après Vladimir, l'anarchie redouble. En 44 ans, 18 grands princes se succèdent et presque chaque changement est accompagné de guerres civiles. Au milieu de cette inextricable confusion, l'hégémonie de Kiev est de moins en moins réelle et le prestige qu'elle exerce sur les imaginations disparaît rapidement. Le chef le plus puissant de l'époque, André Bogolyubski, sous Stal, ne daigne pas même prendre le titre de grand prince. Kiev n'est désormais plus qu'un obstacle. Pour que l'avenir naisse, il faut que le passé disparaisse. En 1169, la cité sainte, la métropole révérée, est prise et pillée par les Russes. En 1203, elle est de nouveau ravagée par les Polovstés. C'est la fin de la Russie primitive, la fin de l'empire fondé par Rurik. Mais la décadence de Kiev est plus que la ruine d'une ville. C'est la banqueroute du sud tout entier. Le sol ici est trop mobile, les barbares trop voisins. Comment, sur cette grande route des invasions, se serait-il constitué un état régulier, un gouvernement? Très vite, alors que le caractère de la race n'était pas encore nettement fixé, la population a été envahie d'éléments étrangers. Aventuriers appelés par les princes, fuyards qui cherchaient un asile contre de nouveaux envahisseurs. Il en est résulté une extrême confusion d'idées, un mélange bizarre de principes et de traditions, une civilisation presque raffinée se mêle à une barbarie extrême. Le despotisme pénètre les institutions démocratiques, les princes sont appelés par le peuple, mais le peuple n'est plus qu'un mélange hétérogène d'éléments irréconciliables. Rien de solide ni de stable. En l'absence de toute organisation fixe, la société s'émiette, les passions individuelles se donnent carrière, l'arbitraire des puissants, l'oppression des faibles, le caprice et la fantaisie qui seront plus tard des traits distinctifs des républiques cosaques, énervent les forces de résistance et livrent le pays à tous les hasards. Condamnée à la conquête étrangère, la Russie de Kiev fermera pour longtemps l'Europe à la Russie du Nord. Les diverses tribus des Slaves russes seront soumises à des influences historiques et ethnographiques diverses, et, sous ces actions divergentes, les différences depuis longtemps sensibles entre elles s'accentueront, plus nettes et plus profondes. Les particularités dialectales, en s'exagérant et en se prolongeant, aboutiront à la formation de deux langues distinctes. Toutefois, la création d'une nationalité yougo-russe n'étouffera pas tous les souvenirs de l'Union primitive. Kiev se rappellera toujours qu'elle a été la première capitale de la Russie, et les tsars de Moscou ne feront pas inutilement appel à son patriotisme russe. Les moscoviques n'oublieront pas non plus que c'est de Kiev qu'ils ont reçu le christianisme, et qu'elle a été, dans les temps les plus reculés, le point lumineux dont une aurore de civilisation s'est répandue sur le pays tout entier. Plus puissants que les siècles de séparation demeurent les premiers souvenirs, si intimement liés que le partage n'en est pas possible. Les historiens des deux peuples frères se disputeront l'honneur d'avoir donné à la Russie ses plus anciens écrivains, la chronique de Nestor, Lévi, des pères du monastère, Petcherski, des catacombes, le pèlerinage de Daniel, les homélies de Cyril de Tourof, ses épopées aussi, Biline, qui, composées sans doute sur les bords du Dniepr, ne se sont plus conservées que dans la mémoire des riverains de la mer Blanche. Mais ces rivalités rétrospectives, avec quelque ardeur jalouse qu'elles soient poursuivies aujourd'hui par les historiens des deux peuples, ne montre-t-elle pas la communauté primitive des deux races, que les événements seuls ont séparées, et que rapprochent dans le passé les épreuves subies en commun, et dans l'avenir une foi semblable et un dévouement égal à la patrie russe. Les Russes du Nord, la Souzdalie. Plus beau de visage et plus grand de taille, plus fin de membres et d'ossature, les Yougo-Russes sont plus vifs et plus alertes d'esprit, mais à la fois plus mobiles et plus indolents, plus méditatifs et moins décidés, par suite, plus apathiques et moins entreprenants. Ils sont trop malléables pour supporter les longues épreuves sans en être accablés, trop inconstants pour ne pas se lasser des poursuites qui demandent des siècles pour réussir. Le grand russe a moins d'indépendance, de fierté, d'individualité que les autres slaves. Il a plus de patience, d'unité de vue et d'esprit de suite. Suivant la remarque de Herzen, si le sang slave s'est alourdi chez lui, il a perdu, dans son mélange avec des races plus pesantes, la mobilité qui a été si fatale à d'autres tribus slavones. Ah, le roi Beaulieu. Les meilleures chansons des grands russes, dit de même Kostomarov, sont celles qui nous dépeignent l'âme réunissant ses forces, victorieuses ou vaincues, mais plus grandes que le malheur qui l'écrase sans l'abattre. Ce qu'elle célèbre surtout, c'est la force de volonté et la persévérance. On y sent le cœur de robustes ouvriers qui, sans enthousiasme mais sans repos, accomplissent leurs tâches, ne levant pas volontiers leurs yeux du sol qu'ils défrichent, liés à la glèbe et la fécondant de leurs abondantes sueurs. Ces qualités incomparables de patience, de résignation, de labeur, de discipline, qui ont imposé à tous ceux qui se sont occupés des Russes une respectueuse admiration, ils les doivent en partie sans doute à certains accidents de leur destinée, à l'invasion tatare en particulier, en partie aussi au mélange avec les populations finnoises qu'ils se sont assimilées. Mais elle s'explique surtout par l'œuvre immense à laquelle ils se sont voués, la colonisation des immenses plaines de l'Europe orientale. Pour nous, l'histoire de la Russie ne commence qu'avec Pierre le Grand. En réalité, la conquête de la Baltique et celle de la mer Noire ne sont guère que des épilogues. Le grand œuvre de la race, c'est vers l'Est qu'il s'accomplit, dans le bassin du Volga, sur l'Oural, en Asie. Il se continue de nos jours sans bruit, plus rapide parce que la masse des travailleurs est plus considérable et qu'elle dispose des procédés de la science moderne et de capitaux accumulés. Mais voilà 10 siècles qu'elle a commencé. Ce n'est pas Pétersbourg seulement qui a été bâti par les Slaves en pays Tchoud, c'est Moscou, Souzdal, Vladimir, Tver, toutes les capitales des princes russes du Nord et de l'Est. Les peuples d'Occident ont éprouvé longtemps quelques dédains pour ces nouveaux venus qui n'avaient rien ajouté à la civilisation. Mais n'est-ce rien que de l'avoir défendu et de l'avoir porté jusqu'à l'océan Pacifique? Pendant que les princes du Sud et de l'Ouest usent leurs forces dans des querelles sans grandeur, les princes de Souzdal, poussés par leur zèle religieux ou l'ambition, s'avancent pas à pas dans la région boisée que protège contre les incursions des nomades la nature du pays. Dès Yaroslav, la région du Haut-Volga prend une certaine importance. Vladimir Monomakh fonde, sur les bords d'un affluent de l'Oka, Vladimir de Kliasma. Georges Dolgoroukhi, à qui la tradition populaire attribue l'origine de Moscou, 1197, donne une impulsion décisive à la colonisation et trace à ses successeurs la voie qu'ils suivront. Son fils, André Boboliouski, établit sa résidence à Vladimir, détruit la prépondérance du Sud et soumet tout le Nord à son autorité. L'élan donné est si fort que les guerres civiles, qui ne manquent pas au début de cette histoire de la Souzdalie, ne l'arrêtent pas. Chaque règne marque un nouveau progrès vers l'Est et, en 1220, Georges II, grand prince de Vladimir ou de Souzdalie, jette les fondements de Nijni Novgorod. Déjà, le type des princes de Souzdal se dégage clairement, tout autre que celui des princes de Kiev. Après les héros, les politiques. Désormais, les grands aventuriers sont rares et les saints sont à côté du trône, ne portent plus la couronne. La dynastie nouvelle, admirablement faite pour guider le peuple dont elle représente à un degré éminent les qualités essentielles, patiente et obstinée, calculatrice et impérieuse, exige et obtient dès les premiers temps une soumission absolue. Dans les villes que créent les princes souzdaliens, pas d'assemblée pour s'opposer à leur volonté. Sur ce sol désert, pas de grande famille, pas de privilèges confirmés par la tradition. Partout, la présence de l'ennemi rappelle la nécessité de la discipline, le besoin d'un maître. La Russie de Souzdali est une marche contre le Brandebourg, elle en gardera une physionomie particulière. Ces grands princes seront les Ascaniens, les Hohenzollern des Slaves, mais ils feront leur éducation à Byzance ou à la Horde d'Or. Novgorod et la Galicie. La Souzdali n'est encore que l'avenir. Pour le moment, c'est plus à l'ouest qu'il faut chercher l'histoire russe. Au nord, à Novgorod, la Grande, au sud, dans la Galicie. Histoire sans lendemain, qui ne saurait nous retenir longtemps. La fortune de Novgorod est éclatante. Avec ses 100 000 habitants et ses 300 000 sujets, elle pousse ses hardis aventuriers de l'Hongrie à la mer Blanche et commence la conquête de la Sibérie. Nulle part, les institutions slaves primitives ne se conservent aussi pures de tout alliage, mais en somme, qu'a-t-elle produit? Elle n'a ni défendu la Baltique contre l'invasion germanique, ni maintenu le commerce maritime russe en face de la Hanse. Son action sur le reste des Slaves a été à peu près nulle. De même, la Galicie. Sa métropole d'alors, Galitch, a quelques princes remarquables. Roman de Voligny, son fils Daniel surtout, 1205-1264. Ils disparaissent sans laisser de traces, et après eux, la Galicie, depuis longtemps pénétrée par les influences étrangères, devient le champ de bataille des Polonais et des Hongrois, jusqu'au moment où elle est annexée à la Pologne. Bien que par suite du mouvement qui éloignait peu à peu vers l'Est le centre de sa vie politique, par suite aussi de la séparation toujours plus profonde des mondes latins et byzantins, la Russie fut déjà moins européenne que pendant l'époque précédente. La rupture avec l'Occident était loin d'être complète. Elle fut précipitée par l'invasion mongole. La Russie conquise par les Mongols. On verra plus loin l'origine des Tatars mongols et la formation de l'empire de Genghis Khan. Dans leur marche d'Asie en Europe, aux confins de celle-ci, les Mongols furent un moment arrêtés par la coalition des Alains et des Polovtsi. Ils surdivisaient leurs ennemis, les écrasèrent séparément, et leurs hordes inondèrent les steppes de la Caspienne et de la mer Noire. Appelés à l'aide par les Polovtsi épouvantés, les Russes réunirent 80 000 hommes et rencontrèrent les Mongols sur les bords de la Kalka, 1224. Les Russes, affaiblis par la fuite des Polovtsi, furent écrasés. L'invasion fut un moment arrêtée par la mort de Genghis Khan, 1227, mais après avoir soumis la Chine, les Asiatiques revinrent sur l'Europe, 1235. Ils avaient pour chef Bati, un des petits-fils de Genghis, qui gouvernait sous la souveraineté d'Ogodaï, la partie occidentale de l'Empire. Son armée, qui ne comptait guère que quelques milliers de Mongols, était surtout formée par les tribus qu'ils avaient soumises. Les éléments turcs et finnois y dominaient. En 1237, les Mongols s'attaquèrent aux Bulgares du Volga et anéantirent leur grande ville, Bulgarie. Chose étrange, les Russes ne semblaient pas avoir pressenti l'approche du danger. Le désastre de la Kalka n'avait produit qu'une émotion passagère. En face de l'ennemi, les discordes continuèrent. Les princes russes combattirent bravement, mais isolés. Leur défaite était certaine. La principauté de Riazan succomba la première. Puis ce fut le tour de la Souzdali. Les Souzdaliens furent d'abord battus à Koloma sur l'Oka. Vladimir, Souzdal, Rostov, Yaroslav furent livrés aux flammes. Le grand prince Georges II fut vaincu et tué à la bataille de la Sita, 1238. Novgorod ne fut sauvé que par le dégel prématuré qui arrêta Batou. Kiev fut prise et saccagée en 1240 et horriblement ravagée, comme l'avait été Vladimir. Il y avait là jadis une ville grande et populeuse, écrit Plancarpin. Elle est aujourd'hui presque réduite à rien. C'est à peine s'il reste 200 maisons. Et les habitants sont tenus à la plus dure servitude. La Horde d'Or, Alexandre Nevski. Après Kiev, les Mongols avaient envahi la Galicie, puis ils se jetèrent sur la Pologne et la Hongrie. L'Allemagne fut peut-être sauvée par un hasard, la mort de Godaï, qui rappela Batou vers l'Est. Il établit sa résidence sur les bords de l'Atkouba, un des bras du Volga inférieur, à Saraï, là où s'élève aujourd'hui la ville de Tsarov. Autour de la tente d'or, Horda, du Khan, s'éleva bientôt une immense cité, et du trône de Batou et de ses successeurs relevèrent les princes voisins. Convertis de bonne heure à l'islamisme, les Tatars du Volga restèrent toujours plus qu'un demi-nomade, et ils réussirent à résoudre ce problème déconcertant d'un État puissant et régulièrement organisé, reposant sur une population qui ne se fixa jamais au sol. Bientôt indépendants du Khan suprême des Mongols, les successeurs de Batou ne tolérèrent autour d'eux d'autres princes que ceux qui reconnaissaient leur suzeraineté. Pendant plusieurs siècles, les princes russes durent couper la tête. Depuis longtemps, la nature avait appris à leur peuple la résignation. Il leur fallut traverser le même douloureux apprentissage. Que faire? Se révolter? Le courage ne leur manquait pas. Devant des ennemis ordinaires, ils défendaient dignement l'honneur slave. Ce n'est pas sans raison que la légende russe fait un héros du prince de Novgorod, Alexandre, 1252-1263, à qui sa victoire éclatante sur les Suédois a valu son nom d'Alexandre Nevski de la Neva, et qui rentra en triomphe à Novgorod après avoir tué 400 chevaliers au porte-glaive dans la bataille des glaces, 1242. Mais contre les Tatars, la lutte était par trop inégale, et toute tentative prématurée appelait sur la nation de nouvelles souffrances. Après tout, l'héroïsme était moindre à provoquer les Mongols en bataille rangée qu'à pénétrer dans leur capitale. À se remettre entre leurs mains pour obtenir leur faveur, et plus d'un kniaz ne revint pas de Saraï. Alexandre Nevski, par ses victoires sur les Occidentaux, avait donné à la Russie un peu de gloire et l'avait empêché de désespérer sous le plus formidable écrasement matériel et moral qu'ait jamais subi le peuple européen. À Rambo. Vis-à-vis du Khan, il se fit humble et docile, et acheta à force de souplesse et de complaisance le repos et le salut. Comme lui, ses successeurs se plièrent aux circonstances. Ils furent patients parce qu'ils avaient foi dans l'avenir. Ils furent timides parce qu'ils sentaient qu'une imprudence retarderait pour longtemps l'émancipation. Ils pensaient qu'à chaque jour suffit sa peine, et ils se remirent lentement de l'œuvre pour préparer les forces qui permettraient à leurs héritiers de secouer enfin le joug détesté. Influence des Tatars sur la Russie. Il a été longtemps de mode de traiter les Russes de Mongols et de Tatars. Aujourd'hui, il est démontré que l'influence ethnographique des vainqueurs de la Kalka sur les Slaves a été à peu près nulle. Mais on aurait tort d'en conclure que la domination de la Horde d'Or n'a pas eu sur les mœurs et les destinées des vaincus une influence considérable. On peut discuter la question de savoir si telle ou telle coutume dont on a longtemps cherché l'origine à Saraï ne vient pas en réalité de Byzance. Le knout, par exemple, et la cruauté des supplices, le térème ou gynécée, l'habitude de battre la terre du front en s'inclinant devant le souverain. Mais après tout, ce ne sont là que des détails secondaires. Un fait, dans tous les cas, subsiste. La soumission pendant plusieurs siècles à une horde asiatique. La Russie du XIe siècle faisait encore partie du système politique européen. Les liens qui la rattachaient à l'Occident, relâchés au XIIe siècle, ne seront plus qu'en 1240. Depuis lors, elle n'est plus qu'une dépendance de la Horde, condamnée à un isolement absolu, réduite à ses seules ressources, privée de tout secours étranger, elle ne reçoit pas même le contre-coup des progrès et des transformations du monde civilisé. On lui reproche la stérilité de son histoire. Elle n'a eu en effet ni la féodalité et les croisades, ni les communes et le tiers-état. Elle n'aura ni la réforme, ni la renaissance. Les institutions politiques et sociales y avortent, comme étouffées dans leur germe. C'est qu'elle vécut sous la menace de l'invasion, qu'elle se concentra dans une pensée unique, ne pas mourir sous l'étreinte de l'étranger, et que, dans cette longue agonie, elle ne put compter que sur elle-même et la prudence de ses princes. Jamais peuple n'a été mis à une telle école de patience. Comme partout, la servitude engendre ici la servilité, la ruse prend la place de la force. Mais la soumission du russe réserve l'avenir. Plus lourde est l'oppression, et plus ardente aussi est la passion avec laquelle il s'attache à ce qui le distingue de l'étranger. Sa foi d'abord, puis ses princes. L'orthodoxie devient le palladium de la nationalité et se confond avec elle. La Sainte Russie prend pour étendard la croix grecque. Contre l'oppresseur musulman, les divisions intestines se taisent, les prétentions individuelles désarment. Sans doute, il y aurait quelque exagération à expliquer par l'invasion mongole seule la fondation d'un empire russe unitaire et absolu, et il est probable, en effet, que les conditions géographiques, ethnographiques et politiques auraient dans tous les cas abouti à la centralisation et à l'autocratie. Mais il n'est guère douteux que la conquête a hâté cette transformation et l'a exagérée. D'abord, les Tatars ont arrêté le morcellement politique. Puis, en mettant le plus souvent leur influence au service des grands princes moscovites, et en leur confiant la perception du tribut qu'ils exigeaient des autres princes, ils les ont habitués à se considérer comme les chefs suprêmes du pays, en même temps qu'ils leur offraient un modèle de gouvernement absolu. Si bien que l'on a pu dire, sans trop d'invraisemblance, que sans Gengis Khan, Ivan le Terrible n'eût pas été possible. Enfin, surtout, le péril commun a créé entre les princes et les peuples un lien indissoluble. En se rendant à la horde pour porter le tribut ou négocier, le prince faisait son testament. Il exposait aux fidèles chrétiens qu'il s'en allait pour obtenir grâce en faveur de son peuple, au péril de sa vie, prêt à recevoir la mort pour ses sujets, elle léger. Le peuple ne marchanda pas son dévouement au père qui donnait sa vie pour ses enfants, et dont toutes les pensées allaient au triomphe de la foi et à la libération de la patrie. Fin de la section 72.